cul là. Évidemment. Évidemment, c'est très facile. Ça, c'est le genre de réplique qu'on peut avoir facilement. Venez à l'instant sur Maxi France Live, t'es pas là. J'espère que vous, vous êtes là par contre. Hein. Voilà. La musique française ne s'arrête jamais sur Maxi France. Tiens, justement, Boulevard des Eras à suivre ou encore Liane Folie tout de suite. La vie ne m'apprend rien. Qui ose dire qu'il peut m'apprendre?